Qu'est-ce qu'il aura de plus, ton mari ? 1000 écus. Je les lui donnerai viagèrement, reprit le baron Montès. Quittons Paris et allons. Où ? Dit Valérie en faisant une de ces jolies moues par lesquelles les femmes narguent les hommes dont elles sont sûres. Paris est la seule ville où nous puissions vivre heureux. Je tiens trop à ton amour pour le voir s'affaiblir en nous trouvant seuls dans un désert. Écoute, Henri, tu es le seul homme aimé de moi dans l'univers. Écris cela sur ton crâne de tigre. Les femmes persuadent toujours aux hommes de qui elles ont fait des moutons qu'ils sont des lions et qu'ils ont un caractère de fer. Maintenant, écoute-moi bien. Monsieur Marneff n'a pas 5 ans à vivre. Il est gangrené jusque dans la moelle de ses os. Sur 12 mois de l'année, il en passe 7 à boire des drogues, des tisanes. Il vit dans la flanelle. Enfin, il est, dit le médecin, sous le coup de la faux, à tout moment. La maladie la plus innocente pour un homme sain sera mortelle pour lui. Le sang est corrompu. La vie est attaquée dans son principe. Depuis 5 ans, je n'ai pas voulu qu'il m'embrassât une seule fois, car cet homme, c'est la peste. Un jour, et ce jour n'est pas éloigné, je serai veuve. Eh bien, moi, déjà demandée par un homme qui possède 60 000 francs de rente, moi qui suis maîtresse de cet homme, comme de ce morceau de sucre, je te déclare que tu serais pauvre comme Hulot, lépreux comme Marneff, et que si tu me battais, c'est toi que je veux pour mari, toi seul que j'aime, de qui je veuille porter le nom, et je suis prête à te donner tous les gages d'amour que tu voudras. Eh bien, ce soir,